sent en moi quelquefois à l'air bleu du rêve. Toi, guitare, accompagnée parfois d'une voix dans mes rêves. Et la voix dit que tu m'aimes encore, que tu m'entends et que rien n'est mort. Et les guitares semblent d'accord. Faut-il, faut-il, faut-il y croire? Et la voix dit que tu m'aimes encore, que tu m'attends et que rien n'est mort. Et les guitares me semblent d'accord. Faut-il, faut-il, faut-il y croire? Toi, guitare, et soudain je revois du bleu de l'eau du sable. Aussi bien qu'alors, que tu m'attends, que tu m'aimes encore. Et les guitares semblent d'accord. Faut-il, faut-il, faut-il y croire? Et la voix dit aussi bien qu'alors, que tu m'attends, que tu m'aimes encore. Et les guitares me semblent d'accord. Faut-il, faut-il, faut-il y croire? Trois guitares dans le froid de mes nuits chante dans ma mémoire. Trois guitares avec preuve à l'appui me cherchent des histoires. Et la voix dit que tu m'aimes encore, que tu m'attends et que rien n'est mort. Et les guitares sont là. Faut-il, faut-il, faut-il y croire? Et la voix dit que tu m'aimes encore, que tu m'attends et que rien n'est mort. Et les guitares me semblent d'accord.